Allez, Tom. Le roi du rock. J'ai cru que c'était la Marseillaise. Ich bin eine gute Musik. Mai. Ça me rappelle quelque chose. C'est l'heure de manger.